te pe o be la dwa da se o fia jo gbe le te mwe e la dwa ya me hu o da si ala le le da des ro le chachi ho me va je ka me o mu nya nya go me o be la du te mwe ati da jo le se jan gba ku jo o mu le te pe o be la dwa da se o fia jo gbe le te mwe e la dwa ya me hu o da si ala le le da des ro le chachi ho me va je ka me o mu nya nya go me o be la du te mwe que muka mewa amelemba no son dime Ale